Big Bass donc ça danse. Nos deux corps se dépensent. Madame Mouka fait pause. Les yeux nous à qu'elle pense. Bref, pas digne. Studio, on record sur la dingue. Chata gale reste lucide. Backshot la propre pec solide. En slow-mo ou en speed. C'est la kawaii nob famille. En slow-mo ou en speed. C'est la kawaii nob famille. Basse la danse. Playing les basses pour les penches. Elle est fraîche donc elle ose. Elle découpe le rythme à la hache. Main sur les hanches. C'est sur moi que ses fesses se déplacent.